enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette, Nancy 94.2. Yves s'est installé à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter le patchwork numéro 32, à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui, eh bien c'est un voyage musical en Côte d'Ivoire. Trois coups de chapeau à Alpha Blondie, une promenade embaumée dans les bananeraies et le tout étoilé de zouk antillais. Zouk, avez-vous dit ? Une nouveauté de 2019 et qui connaît un très grand succès dans les Caraïbes que l'on découvre en France métropolitaine. Vincole Halloween, Sabrina Ghetto Zouk. Regardez-moi, encore sentis-moi bien, bien. vais vous dire sur la Côte d'Ivoire. Ben, tout d'abord que la République de Côte d'Ivoire est un pays membre de l'Unité africaine, pays indépendant de la France depuis 1960. Il est peuplé de 27 millions d'Ivoiriens. Les villes principales sont Abidjan, là où aura lieu la finale du championnat du monde de Scrabble en 2020. C'est la capitale économique avec 4 millions d'habitants. Bouaké, 600 000 habitants. Daloa, 200 000. Et Yamoussoukro, la capitale politique, avec 200 000 habitants. Les pays voisins sont le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. La langue officielle est le français. Le salaire moyen est de 305 euros et la devise c'est Union, discipline, travail. Alors, la forte poussée démographique enregistrée dans les zones urbaines, l'exode des populations vers les terres propices aux cultures industrielles, ainsi que la jeunesse de la population ivoirienne contribuent à l'émergence ou à l'exacerbation des problèmes liés à l'emploi, aux conflits sociaux, à l'habitat et à l'environnement. Et la Côte d'Ivoire, avec 57 meurtres pour 100 000 habitants par an, arrive au troisième rang au niveau mondial pour le taux de meurtres. Oh, bah dis donc. Allez, Serge Reynaud, Karablaïké. Mon coup est décalé, confirmé, oh. Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon coup est décalé, oh. Beno, sing it. Africa, aïe, moi je t'aime. Abilo, l'amour est, aïe, moi j'adore. Abilo. Thank you. bringe. Macaba bereke, ma bringe, macaba bereke, ma bringe. Africa, aye. Premier coup de chapeau à Alpha Blondie. Alpha Blondie est né en 1953 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, dans une famille de 9 enfants. Elle chante aussi bien en français, en diola, en baoulé qu'en anglais. Et rêvant de faire une carrière musicale aux États-Unis, il est parti en 1976 et enchaîna les emplois alimentaires. D'abord coursier, il livrait des plis à 5 dollars le pli, porté. Et puis c'était l'usine de dindons, puis l'abattoir de poulets. Mais bon, ça lui plaisait pas. Enfin, il trouva un emploi chez le plus grand distributeur de musique chrétienne du monde et il se livra à quelques compositions. Bon, après 4 années passées aux États-Unis et déçu de ne pas avoir obtenu le succès espéré, il revint en Côte d'Ivoire. Et c'est en 1981 qu'une première chance lui fut offerte. C'était un passage à la télé qui ne passa pas inaperçu, c'est le cas de le dire. Cocody, Rock Alpha Blondie. Stop. a castle. We positively moving oh, within your time. The matter at you say or do, jump on the rack and down. That's why we saying, saying, Coco, Coco, it's the goody rock. Bon, il va falloir sacrifier au régime, hein, n'est-ce pas Yves? Oui, le régime des bananes. J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. J'aime les bananes, l'orchestre du Splendide. On s'y casse les dents, mais vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et j'aime pas les sucettes, les bonbons fondants, mais vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Les vieux de l'ancien temps, aimant la fantaisie, à tout autre aliment, on peut faire leur bonne fille. Oh, mais moi je veux bien vous croire, mais en attendant, ça vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'eau. À Mayotte, dans l'océan Indien, dans les années 80, Ous Deji, et peut-être avec un O au bout, fut bercé dès sa plus tendre enfance par les chants maorais de sa mère. Résidant dans les quartiers nord de Marseille, c'est à 9 ans qu'il monta son premier groupe d'Europe. C'est jeune, hein, 9 ans quand même. Après un long parcours artistique complet, il maîtrise le reggae, le zouk, le dancehall, le Club Soleil, le reggaeton et l'électropop. Fin 2018, il sort un tube de l'été qui s'appelle Dans l'impasse, Ous Deji, peut-être avec un E au bout. Oh, faire en Côte d'Ivoire. Découvrir la basilique de Notre-Dame de Paris, de Yamoussoukro, passer des gratte-ciels du plateau de luxe de Cocody, puis ralentir devant les étals colorés du marché de Marcory à Abidjan. S'engouffrer dans la végétation des lagunes et y découvrir des villages de pêcheurs et des cimetières de bateaux aussi. Sentir des lianes sous ses pieds nus en traversant le pont de Man. Aller à la rencontre des buffles et des éléphants des parcs nationaux de Thaï et de Komoï. Apprendre les rudiments de Nouchi. Anouchi, c'est l'argot ivoirien. C'est ce qu'en tout cas ce que vous propose le guide du routard, Makassa, Tour de Garde. C'est Tura, mes potes m'appellent 24 carats. Je t'ai vu dans les rages pas, t'es trop belle, tu ressembles à une diva. Deuxième coup de chapeau à Alpha Blondie. Dans la chanson suivante, Alpha Blondie dénonce les violences policières et on pourrait d'ailleurs traduire le titre par « Pitié brigadier ». Alors vous écouterez bien au début du morceau, la sirène de police en guise d'introduction plante le décor et il n'est pas recommandé de se balader la nuit quand on n'a pas ses papiers en règle. Il faut dire qu'avec 57 meurtres pour 100 000 habitants par an, bah, il vaut mieux faire attention quand même. Hein. C'est l'histoire d'une rafle nocturne organisée par les forces de l'ordre dans les rues d'Abidjan. Un jeune homme qui tient tête aux uniformes, sûr de son bon droit, et finit plié comme un parachute au fond d'un camion. « Brigadier, pardon !» implore Alpha Blondy. Un énorme succès en Côte d'Ivoire, c'est la chanson la plus connue d'Alpha Blondy. Il la chante fréquemment en clôture de ses concerts. « Brigadier Sabari, Alpha Blondy ». Brigadier Sabari, promenade dans les bananeraies. Je mange beaucoup de bananes et j'aime à prononcer excessivement le mot « banane ». J'aime bien appuyer sur le B de banane. Banane, banane. Mine de rien, c'est subversif par les temps qui courent. Ça, c'est ce que nous confie Philippe Catherine. La naïveté, à la limite de la débilité assumée du personnage Catherine, a fini par intéresser l'époque en mal de chanteur rebelle. Il faut trouver à Catherine une intention, un propos, peut-être un embryon de subversion. Est-ce bien nécessaire? C'est en tout cas ce que nous dit Jean-Laurent Casselli. La banane, Philippe Catherine. Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi! Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. La cuisine ivoirienne est très variée, car ces régions présentent une grande diversité. Alors, bon, voilà une sélection de plats nationaux. Tout d'abord, l'attiéké de poisson. Ah, attiéké, A-T-I-E-K-E. Et vous pouvez l'écrire également avec un seul T, c'est valable au Scrabble, n'hésitez pas à le jouer. L'attiéké de poisson ou de viande, très populaire à Abidjan, il s'accompagne de couscous, de manioc et de bananes plantain. Le poulet quatre genoux, un plat phare en Côte d'Ivoire, il se compose de poulet cuit à l'étouffée, avec des légumes, aubergines, tomates, oignons. On peut le servir avec du riz ou du couscous, et il peut aussi se cuisiner avec du poisson, sauce tomate ou viande de la brousse. Donc là, on va prendre des agoutis ou des biches, tout simplement. Le plakali à la sauce gombo, on le prépare en versant la farine du manioc dans l'eau bouillie jusqu'à obtenir une pâte compacte et très élastique. Il s'accompagne de sauce gombo, poisson ou viande. Il peut être servi avec de la sauce d'arachide ou une sauce aux noix de palme aux crevettes. Vous avez le poisson sauce claire. Alors, dans la sauce claire, on retrouve une épice très connue en Afrique, appelée l'akpi. C'est une amande issue d'un arbre, le jansang, utilisée comme exhausteur de goût. Et puis, il y a le poulet braisé, bien entendu. On le mélange avec des bananes plantain ou du riz. Le soko-soko de bœuf, un sauté de bœuf avec des oignons et de la tomate. Le garba, semoule de manioc et thon rouge frit. Alors, pour se restaurer les endroits les moins chers, sont ce qu'on appelle les maquis de terre. Ce sont des gargotes de fortune, mais on trouve aussi des maquis plus élaborés, et ce sont les maquis ministres. Attention, là, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. En boisson, on parlera du bissap, une décoction de fleurs d'hibiscus, le niamaku, une décoction de gingembre assez poivrée, mais parfumée. Le bangui, la sève de palmier, d'aspect blanc laiteux, à la fois amer et sucré. Chérie, tu me saoules, killer et kirwan. Ok. Eh bébé, bah je t'ai dit que tout à l'heure je sors avec Rico et je ne veux pas que tu sortes. Non mais qu'est-ce que tu racontes là? Je dis que je veux pas que tu sortes, t'es tout le temps dehors, assieds-toi ici. Tu bouges pas, tu dans la merde là-bas. Tu t'es pas pour Tim. Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est moi le patron. Bébé, ton mal est trop, c'est trop fort, tu changes de ton. Les factures, c'est moi qui les paye. Alors colle-moi un peu le c'est normal. S'il te plaît bébé, arrête, je veux que tu te la paies. Jusqu'à je veux que tu te la fasses. Ah bébé, tu me saoules. Ah tu me fous les boulots. T'es la femme et c'est moi qui porte la culotte. Donc calme-toi un peu. Ah chérie, tu me saoules. Toi aussi tu me fous les boulots. Je ne suis pas ta bonnie, je ta gardienne. C'est toi l'homme mais tu abuses un peu. Attends, se calme un peu haut. C'est un seul capitaine dans un bateau. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est juste pour le taf et non pas pour la fête. Oh, de quelle part tu me parles toi? Tu ne sais que frimer ton taf, c'est l'ego. Tu vois que je suis pas informé. Bah écoute, je suis pas là. C'est moi qui pisse debout dans cette maison. C'est ça qui est quoi? Une chanson qui sent la banane, la vanille et le cumin. Le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, c'est la troupe folk canne eau. Je t'écris de bien loin, de mon île créole. Toi mon petit copain. Tu dis que la pêle-mêle de sang. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre des cannes, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre des cannes, la mangue et le tamarin. Je te ferai goûter nos bonnes confitures, les cœurs de palmier, les sapotes bien mûres, et sous la tonnelle de bougainvilliers, avec Isabelle on fera griller le café. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre des cannes, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre des cannes, la mangue et le tamarin. Moi je te chanterai des romances créoles que tu ramèneras de la mer, sur le sable clair, toi aussi tu apprendras à danser le séga. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre des cannes, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre des cannes, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre des cannes, la mangue et le tamarin. Que ramener de Côte d'Ivoire ? À peine est-on arrivé en Côte d'Ivoire qu'on est frappé par la beauté des tissus colorés dont sont vêtues les femmes surtout. On peut rapporter, non pas les femmes, mais on peut rapporter de ces pagnes aux motifs chatoyants dont les tailleurs font de belles robes. Ou on peut aussi tout simplement rapporter le tissu tel quel. On pourra opter pour un batik décoratif ou encore un exemplaire des célèbres toiles de Korogo aux motifs facilement reconnaissables. Et puis des magnifiques masques et des instruments de musique baoulé et sénoufo, des bijoux de toutes sortes, en or, en argent, des perles de verre ou encore des œuvres d'artistes contemporains. Les peintres exposent dans la rue, sur les marchés, ou dans les galeries, c'est une ambiance à l'africaine, Magic System. Hey, hey, Magic System de retour avec toi, après la pluie, le beau temps. c'est la neige là qui me fatigue. Troisième coup de chapeau à Alpha Blondie. C'est au lycée Sainte-Élisabeth de Korogo qu'Alpha Blondie fit la cour à sa dulcinée Fanta Diallo. Et c'était au cours de l'année scolaire 72-73, un amour vrai, éternel et inoxydable. Et la chanson Sweet Fanta Diallo, sortie en 1987, fut un véritable hymne à l'amour adolescent. Bon, Fanta Diallo est décédée en 2004 et elle repose depuis au cimetière d'Abidjan. Et cette dernière demeure fait office de pèlerinage pour Alpha Blondie. Il vient s'y recueillir souvent. Sweet Fanta Diallo. Et maintenant, une chanson de Tash Ward et de Murray Kenton, traduite en français par Maurice Thésée, interprétée la même année par qui ? Par Henri Salvador et Janine de Valen. Le refrain est tiré d'un air de bel canto, extrait de Rigoletto de Giuseppe Verdi, Juanita Banana, Henri Salvador. Dans Dans un village de La Havane vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique et rêvait de chanter à l'opéra. Mais son père, qui ne pigeait rien à la musique, disait: ma fille a une drôle de voix. Elle était vedette, la grande diva de l'opéra. Quand on lui dit qu'avec une voix pareille, sa fille gagnait des millions, le père courut au village, s'acheta une guitare d'occasion en criant: au diable les bénènes, je me lance aussi dans la chanson. Et alors le... Et c'est ainsi que s'achève Patchwork à l'écoute des musiques du monde. C'était le numéro 32. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pourrez durant toute la semaine retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Le prochain Patchwork, vous le savez, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et nombreux à la cerise sur le canto. En attendant, ben, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2, c'est pour les Lorrains, et sur le net fagette.net en ligne pour les autres peuples européens. Alors, je ne sais pas s'il va vous passer Rigoletto de Verdi, en tout cas, vous avez rendez-vous maintenant avec Thierry pour sa belle émission Discothèque Classique. Allez, au revoir.